Je vivais à Annecy depuis près d'un an sans le moindre reproche. Tout le monde était content de moi. Depuis mon départ de Turin, je n'avais point fait de sottises, et je n'en fis point tant que je fus sous les yeux de maman. Elle me conduisait, et me conduisait toujours bien. Mon attachement pour elle était devenu ma seule passion, et ce qui prouve que ce n'était pas une passion folle, c'est que mon cœur formait ma raison. Il est vrai qu'un seul sentiment, absorbant pour ainsi dire toutes mes facultés, me mettait hors d'état de rien apprendre, pas même la musique, bien que j'y fisse tous mes efforts. Mais il n'y avait point de ma faute. La bonne volonté y était tout entière. L'assiduité y était. J'étais distrait, rêveur, je soupirais. Qu'y pouvais-je faire? Il ne manquait à mes progrès rien qui dépendît de moi. Mais, pour que je fisse de nouvelles folies, il ne fallait qu'un sujet qui vint me les inspirer. Ce sujet se présenta. Le hasard arrangea les choses et, comme on verra dans la suite, ma mauvaise tête en tira parti.